Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un numéro spécial de notre rendez-vous au cœur de l'histoire que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Habituellement, nous recevons dans cette émission des personnes qui écrivent des livres d'histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'y accueillir un homme qui, lui-même, a écrit l'histoire. 40 ans après, nous allons en effet parler de la France des années 70 avec celui qui, à l'époque, présidait à ses destinées, le président Giscard d'Estaing lui-même. Alors j'entends déjà certains, est-ce qu'un tel entretien a bien sa place dans une émission d'histoire? Je réponds tout de suite oui. Après tout, s'il m'était possible de parler de la monarchie de juillet avec le roi Louis-Philippe en personne, ou du Front populaire avec le président Léon Blum lui-même, je serais dans mon rôle. Eh bien, cet après-midi, je vous propose d'évoquer les années Giscard avec Giscard. Vaste programme, me direz-vous. Alors afin de ne pas trop nous disperser, parce qu'on a une heure pour parler de tout ça, j'ai pensé qu'il serait bien de nous concentrer sur des questions d'histoire. Et oui, en préparant cette émission, j'ai songé d'abord aux historiens de demain et à ceux d'après-demain qui pourront écouter cette émission. Mon ambition est de leur fournir quelques éléments utiles pour nourrir ce chapitre de la saga nationale. Les années 74-81 ont été fondamentales, décisives pour la suite. Elles ont vu la France muer, faire peau neuve. Comment, pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de comprendre grâce aux plus grands témoins de la période. Europe 1, au cœur de l'histoire. Les années Giscard se sont ouvertes sur de grandes réformes. La majorité à 18 ans, évidemment, la légalisation de l'IVG, on en reparle beaucoup en ce moment, l'institution du divorce par consentement mutuel, et puis l'éclatement de l'ORTF, la réforme ABI pour l'école et la création du collège unique. Ces années auront vu éclore, dans des registres très différents, le centre Beaubourg, les élections européennes, mais aussi le loto et la télévision en couleur. Selon vos centres d'intérêt, vous allez identifier ces années-là à Grinville et à Modiano, ou bien à Casimir et à Chantal Goya, ou encore à Mérine et à Carlos, quand ce n'est pas à des films comme Emmanuel ou Les Valseuses. Certains voudront se rappeler que la peine de mort y était encore appliquée, d'autres vont mettre le doigt sur des phénomènes de masse en émergence, à commencer par le chômage et l'immigration, dont on peut dire que les sources sont à cette époque. Tout à l'heure, en compagnie de Guillaume Perrault du Figaro, nous évoquerons ces années-là telles que les Français les ont vécues, vues d'en bas, si je puis dire. Pour le moment, il s'agit déjà de les revivre par le haut, vues depuis le palais de l'Élysée. Alors sur un plan politique, on pourrait dire que ces années ont été celles des deux Michel, Poniatowski et Dornano, celles de quelques femmes aussi, Simone Veil, Alice Saunier-Seité entre autres. Hors du champ politique, c'était évidemment la France d'Alain Delon, de Louis de Funès, du commandant Cousteau, de Michel Platini, de Claude François, du petit rapporteur et du grand échiquier. Un homme incarne tout cela, l'explique en partie. Le dépasse, parfois, c'est Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour. Merci beaucoup de fêter ces 40 ans, si je puis dire, avec nous. Alors, vous avez dit et redit, en préparant cette émission, je l'ai vu plusieurs fois, sous votre plume et dans votre bouche, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'une clé pour comprendre votre présidence, que vous vouliez faire entrer la France dans la modernité. Elle en avait tant besoin que cela en 1974 ? Je crois qu'elle en avait grand besoin. Il faut situer la période, c'est donc à 40 ans. De Gaulle a quitté le pouvoir il y a seulement 5 ans. Et c'est ça. Très peu de temps. Les événements de mai 68, c'est donc 6 ans avant. L'Internet n'existe pas. Donc c'est une France assez différente de la France actuelle. Pourquoi disais-je que la France avait besoin de la modernité? C'était pour deux raisons. Première raison, il y avait eu la période de Gaulle. De Gaulle arrive, qui rebâtit les institutions françaises, une nouvelle constitution, un nouveau gouvernement, et ainsi de suite. Mais je ne dirais pas que de Gaulle était un homme du passé, mais c'est un homme qui vivait avec son époque. Et son époque, en réalité, c'était l'avant-guerre. Il aurait voulu éviter ce qui s'est passé de 1939 à 1945. Alors moi, c'était tout à fait différent. Je connaissais un peu le monde extérieur, pas beaucoup, parce que les jeunes Français circulaient beaucoup moins que maintenant, en fait. Mais un petit peu. J'avais fait des études classiques, plutôt scientifiques. Et je voyais que De Gaulle avait rétabli la dignité de la France, mais qu'il l'avait laissée dans son état antérieur. Et donc, il fallait la moderniser. Il y avait une sorte de rattrapage à faire, en fait. Hein. Rattrapage, et puis il fallait passer devant, ensuite. Ah oui, oui. Et une chose que je remarquais, c'est que notre société, ça venait de loin, était tout de même une société de punition, une société de sanction. Et moi, je voulais que ça devienne une société de responsabilité. C'est-à-dire que les femmes françaises, les jeunes français, ainsi de suite, se sentent maîtres, ou assez largement maîtres, de leur destinée. Et pour cela, il fallait faire des réformes. Ces réformes étaient contestées à l'époque, enfin, certaines d'entre elles, mais l'idée, le thème, c'était « la France va devenir une société moderne ». Et je dirais que pendant 7 ans, elle l'était devenue. Moi, j'avais été pendant 9 ans ministre. Ministre des Finances. Des Finances, sous le général de Gaulle, pendant 7 ans, et ensuite avec Pompidou. Donc j'avais vu la pratique du gouvernement. Et ce qui m'intéressait, c'était comment la France doit-elle être gouvernée. C'était pas la politique, je m'en mêlais pas beaucoup d'ailleurs, c'était comment elle doit être gouvernée. Le président n'est pas un président qui se mêle de tout. Le président, c'est quelqu'un qui est au sommet du système, qui donne la direction, qui doit voir plus loin que les autres et dire ce qu'on va devenir ou qu'on cherche à devenir dans 3 ans, dans 5 ans. Qui doit bien choisir ses premiers ministres. J'ai choisi, comme vous savez, Jacques Chirac d'abord parce qu'il avait contribué. Oui, on va y venir dans un instant, oui. Oui. Et ensuite Raymond Barre, ils avaient leur pouvoir qu'ils ont exercé. Et moi-même, je pilotais le grand navire. C'est ça, en fait, vous définissez le rôle d'un capitaine. Alors, ce capitaine plutôt monte... d'un commandant. Ou d'un commandant, oui, pardon. Au point de vue technique. Oui. Pour ce qui est des galons, c'est mieux. Oui. Alors, nous allons rejoindre ce commandant à bord du vaisseau en 1974, au début de tout. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, nous vous retrouvons tout de suite, Franck Ferrand, avec votre invité exceptionnel, Valéry Giscard d'Estaing, 3e président de la 5e République. Il y a 40 ans de cela, dans quelques semaines, le 2 avril 1974, le président Georges Pompidou meurt au terme d'une pénible maladie. On est, comme le rappelait Valéry Giscard d'Estaing il y a un instant, on est 4 ans après un autre grand décès, celui du général de Gaulle, et le gaullisme est encore, sinon majoritaire, du moins très puissant dans le pays. Face au socialiste François Mitterrand, qui est le candidat de l'Union de la gauche, il paraît évident alors que c'est l'ancien Premier ministre, le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui va porter les couleurs de la majorité. Et là, le ministre des Finances sortant, Valéry Giscard d'Estaing, décide de poser sa candidature. Une candidature qui ne tarde pas à être soutenue par un groupe de gaullistes historiques, mené par Jacques Chirac, lui-même inspiré par Marie-France Garraud et Pierre Juillet. La campagne en est bouleversée. Et là, on peut dire que la jeunesse du candidat républicain indépendant, la modernité de ses affiches, une certaine volonté de changement dans la continuité, tout ça fait de cette campagne un grand succès. Et à l'issue d'un célèbre débat télévisé où il paraît bien plus à l'aise que François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing est donc élu le 19 mai 1974 avec une courte majorité de 50,81% des suffrages exprimés. Voici ce qu'on pouvait entendre ce soir-là sur l'antenne d'Europe 1. Bien, Jean-Marc Lèche, nous sommes maintenant en mesure de donner à peu près l'estimation définitive qui confirme d'ailleurs ce que nous avons dit avec prudence depuis 20h05. Oui, en effet, à 21h, notre estimation donnait, alors qu'il nous restait plus que 40 circonscriptions à faire entrer dans nos machines, 50,55 pour Valéry Giscard d'Estaing et 49,45 pour François Mitterrand. Je voudrais rappeler qu'au premier tour, à la même heure, et avec le même nombre de données entrées dans nos machines, nous avions une erreur de 0,3 points sur Valéry Giscard d'Estaing. On peut donc penser qu'il ne peut pas descendre sur le score métropole en dessous de 50,2%, et que donc, si les DOM-TOM n'infléchissent pas au profit de François Mitterrand ce résultat, Valéry Giscard d'Estaing est ce soir élu président de la République. C'était donc Jean Gorini et son équipe sur l'antenne d'Europe 1 à l'époque. Vous avez entendu les résultats à la télévision, mais j'imagine qu'on vous avait prévenu un peu avant de ce qui se passait ce jour-là. Non, j'étais au ministère des Finances, en fait. Le ministère des Finances était encore au Louvre. Et j'étais là, dans mon bureau, devant un écran de télévision. On a vu ça dans le film de Raymond Depardon. Voilà. J'avais fait faire ce film, je vous signale, à cause de Kennedy. Parce que j'étais un grand admirateur du président Kennedy. Pour ma génération, c'était le modèle, un peu, du nouveau président. Et j'avais vu qu'il avait fait faire lui-même un film pour les archives. Et ce film, c'est un film que j'ai fait faire, si l'on peut dire. Pas pour moi, pas pour le public, pour les archives. Mais du reste, on a l'impression que l'image du président Kennedy, qui à l'époque était encore relativement récente, vous a inspiré dans cette campagne de 74. Non, même là, ouvertement inspiré, d'ailleurs, ah oui. je l'ai dit à l'époque. Parce qu'il était du même âge à peu près que moi. Moi, je rompais avec l'âge habituel. Ah ben, c'est ça, oui. J'avais 48 ans et tous les présidents étaient dans les 60. Au-delà de 60, oui. Oui, au-delà de 60. Donc j'étais plutôt dans l'approche Kennedy. Et pour nous, à cette époque, les choses ont un peu changé. Les États-Unis paraissaient idéaux. Ils étaient plus modernes. Ils avaient un cinéma qui était très brillant, des acteurs, des actrices très remarquables, une économie très prospère. Donc on admirait beaucoup les États-Unis. Et ils avaient eu un jeune président assassiné. Alors j'avais lu beaucoup de choses sur lui. Je connaissais sa sœur. Sa sœur m'avait donné le très beau livre de photos qu'on a fait sur lui. Et j'ai posé ce livre de photos dans mon bureau où il est resté pendant toute ma présidence. Et donc on peut dire qu'il vous a inspiré d'une certaine manière. Et la première grande question politique, on ne peut pas y échapper, c'est quand même celle de vos rapports avec les gaullistes et de la gestion de cette majorité pendant 7 ans. L'autre jour, France 3 a diffusé un téléfilm de Jacques Santamaria qui s'appelait « La rupture » sur vos relations avec Jacques Chirac. Vous l'avez vu ce film ? Non. Non, vous ne l'avez pas regardé ? Non, je ne regarde pas. Écoutez... Ça, c'est une leçon que j'ai trouvée dans un livre, d'ailleurs, d'un grand homme d'État britannique qui s'appelait Disraeli. Et Disraeli disait, il ne faut jamais regarder ou lire quelque chose sur soi. Oui. Absolument, non, on ne se regarde pas. Mais alors, en tout cas, comment avez-vous pu gérer cette affaire ? Donc, tous ces gaullistes qui vous ont rejoint pendant la campagne, et il a fallu, en quelque sorte, les intégrer, bien entendu, à la majorité. Ben, j'ai essayé de les garder le plus longtemps possible. Le mot gaulliste n'était pas très juste, parce que j'étais, si je puis dire, plus gaulliste qu'eux. Et vous aviez été ministre du Général pendant longtemps. J'ai été ministre du Général pendant longtemps, et j'ai nommé comme Premier ministre celui des gaullistes qui avaient soutenu ma campagne, qui était donc Jacques Chirac. Et dans la composition du gouvernement, j'ai veillé à ce que cette tendance soit très représentée. Et lorsqu'il y a eu un changement, c'est-à-dire que Jacques Chirac a décidé de partir, donc deux ans plus tard, 1976, oui. J'ai consulté ce que vous appelez les gaullistes. Les grands barons, là. Voilà, les grands barons, pour savoir s'ils étaient prêts eux-mêmes à exercer le pouvoir, et ils n'en avaient pas le désir. Ils voulaient bien siéger au gouvernement, mais ils ne se sentaient pas le goût, l'envie, enfin, de diriger leur parti. Et donc, j'ai choisi à ce moment-là quelqu'un que j'avais recherché, et qui était Raymond Barre. Raymond Barre était un inconnu, mais je m'étais dit, c'était d'ailleurs une de mes règles, que je voulais toujours avoir, vis-à-vis de toutes les fonctions, le remplaçant de celui qui exerçait la fonction. Parce qu'il peut arriver un accident, y compris à moi-même d'ailleurs, bien entendu, et qu'il ne faut pas à ce moment-là être flottant, ne pas savoir quoi faire, etc. Donc j'avais toujours dans la tête le nom de la personne qui remplacerait la personne en fonction. Et pour le Premier ministre, j'avais cherché justement quelqu'un de politiquement neutre ou assez neutre, gaulliste, plutôt libéral comme moi-même, et j'avais nommé un petit poste dans le gouvernement, car Raymond Barre a commencé à être simplement chargé du commerce extérieur. Mmh. Et puis ensuite, on l'a vu monter, et il a pris la carrure de Premier ministre. Et pendant les 5 années pendant lesquelles Raymond Barre était à Matignon, aviez-vous dans l'esprit un remplaçant potentiel ? J'avais un remplaçant potentiel pour moi, oui. Si par exemple m'arrivait un accident d'hélicoptère... Et qui aurait été ? C'eût été Simone Veil. C'eût été d'abord le Canuet, et ensuite Simone Veil. Eh bien voilà, une information. Alors, vous avez raconté dans Le Pouvoir et la Vie, qui sont vos mémoires de chef d'État, l'état d'esprit dans lequel vous abordez cette présidence. Vous arrivez à l'Élysée, on vous fait visiter le palais, et vous êtes à la fois un peu anxieux, très exalté. Vous avez l'intention de lancer de grandes réformes, de grandes politiques. Nous y venons dans un instant. Europe 1 vous propose un numéro spécial de Au cœur de l'histoire jusqu'à 15h, et nous retrouvons Franck Ferrand qui nous raconte les années Giscard. Nous sommes donc avec le président Giscard d'Estaing pour évoquer ces 7 années de présidence de 1974 à 1981. Un moment crucial, un moment de changement, une sorte de mue pour la société française. Alors, lorsque vous arrivez, vous savez déjà, monsieur le président, qu'on est en pleine crise, puisque le premier choc pétrolier a déjà eu lieu, bien entendu. Donc vous allez devoir gérer la crise d'une certaine manière. Oui, il y a eu deux crises en fait. La première, celle dont vous parlez, avait commencé en 1973. C'était la suite d'un conflit entre Israël et les pays arabes. Les pays arabes avaient décidé un embargo sur le pétrole, c'est-à-dire qu'ils ne vendaient plus de pétrole. Donc d'un seul coup, le prix du pétrole a flambé. Le pétrole était très bon marché à l'époque. Et le pétrole international, c'était 2 dollars, 3 dollars, quelque chose comme ça, le baril. Et c'est passé d'un seul coup à 20 et puis 50. Et comme l'énergie, c'était une des sources importantes de notre énergie, nous n'avions pas encore l'énergie nucléaire, ça a entraîné une forte hausse des prix en France, et donc un mécontentement et un appauvrissement collectif du pays. Il y aura, si l'on peut dire, le deuxième terme en 1979, puisqu'il y a un deuxième choc pétrolier pendant votre mandat. Absolument, à la suite de la crise en Iran. Le Shah d'Iran est renversé, un nouveau régime, le régime des ayatollahs, est mis en place. Et à ce moment-là, il y a une course entre tous les pays producteurs de pétrole pour augmenter leur prix. Ce n'était pas un prix observé, c'était un prix décidé. Alors tous les 15 jours, on apprenait que tel pays augmentait de 2 ou 3 dollars le prix de son pétrole. Et donc il y a eu un deuxième choc. Et ça a été certainement pénible pour l'opinion parce qu'on surmontait le premier choc. Et on retombait dans un second choc, imposant un peu les mêmes disciplines. Et l'on était habitué depuis 3 décennies à une croissance ininterrompue. Ce sont les fameuses 30 glorieuses qu'a baptisé Jean Fourastier. On était habitué à cette espèce de climat d'euphorie économique et d'un seul coup, on change tout ça. C'est vrai qu'il y avait un grand changement, puisque l'énergie était devenue très chère et que nous n'y pouvions rien, puisque nous pouvions préparer la suite. Alors on a lancé le plus grand programme de production électrique du monde, oui. Puisqu'on a prévu la construction de centrales nucléaires, qui était le plus grand programme avec les États-Unis, mais il fallait le temps de les construire. Donc nous avions une économie qui était privée d'une énergie bon marché. Par contre, nous avons tenu à ce que l'équilibre de l'économie française soit scrupuleusement respecté. On n'a pas augmenté les impôts. On s'est arrangé pour que la dette publique reste très faible, parce que lorsque la dette publique est forte, elle consomme une part importante du revenu fiscal du pays, naturellement. Donc, une économie qui était concurrentielle, parce que j'avais en tête qu'il fallait rattraper les grands pays, en fait. Et en particulier, je peux vous dire, j'avais dit au général de Gaulle, le PIB français est plus faible que le PIB britannique, nous allons passer devant. Et nous sommes passés devant. Cette crise, ces difficultés se sont incarnées dans un symbole, ça a été celui de la sidérurgie lorraine. Et l'on a beaucoup parlé de la fin, de la fermeture des grandes usines. C'était une tragédie qui n'était pas absolument liée à la crise, qui était liée simplement à une évolution historique, c'est-à-dire à l'épuisement des ressources de nos grands gisements. Parce que notre gisement du Nord, en charbon, l'épuisement de la Lorraine en minerai de fer, tout ça s'est produit à peu près en même temps. Et la population de ces régions était très attachée à ces métiers très durs. C'est d'ailleurs une chose très curieuse, importante. Les mineurs sont profondément attachés à leur métier. Et quand ils ont vu que ces métiers allaient s'interrompre, en tout cas fortement diminuer, il y a eu de leur part un vrai traumatisme. Et c'est Raymond Barre qui a géré la chose. C'était à lui de le faire, il était Premier ministre. Et c'était 2 ou 3 années difficiles. Il y a un autre symbole, alors vous allez me trouver bien léger, mais c'est un symbole qui a beaucoup marqué les Français, c'est la vente du paquebot France. Vous l'avez regretté, cette vente ? Je trouve bien léger, effectivement. Non, le paquebot France avait été construit avant. Oui, bien sûr, oui. Et avant, bien avant, ça a été construit. Et avant que n'apparaisse la traversée de l'Atlantique Nord par les avions. La société Boeing, qui était là, et Douglas, les deux grandes sociétés aériennes américaines, ont mis en place, construit des avions qui faisaient la traversée plus facilement et plus directement. Donc, petit à petit, les grands bâtiments de traversée ont disparu et il a fallu leur trouver un sort. Alors, ça n'est pas l'État qui a vendu, c'est une compagnie maritime, mais malheureusement, il n'y avait plus d'avenir possible pour un très grand transatlantique. Alors, nous avons dit un mot de l'atome de l'Iran. Dans un instant, nous arrivons aux questions internationales. Europe 1. Et si le maire, c'était vous ? C'est une nouveauté qu'Europe 1 vous propose jusqu'aux élections municipales. Vous allez pouvoir nous envoyer vos propositions, vos idées pour votre ville, votre village directement sur notre site participatif. Ça s'appelle « Moi, maire ». C'est ouvert à tous et nous attendons vos contributions dès maintenant. Alors cela consiste notamment à effectuer votre slogan à partir d'un texte, une vidéo, la photo qui pourrait convaincre. Vous pouvez aussi également choisir la ville que vous voulez. Rendez-vous vite sur europe1.fr pour participer. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Vous exerciez la magistrature suprême de 1974 à 1981, à un moment où l'on était en pleine guerre froide. Est-ce que ça jouait un rôle dans votre façon d'exercer le pouvoir ? Il y avait un ennemi clairement désigné à l'époque, c'était le bloc soviétique. Non, ça n'a pas joué un très grand rôle. Enfin, bon, c'était très important, bien sûr. Mais je n'ai jamais cru, personnellement, à l'éventualité d'une guerre. Parce que les armements nucléaires des deux côtés étaient tels que c'était ce qu'on appelait la destruction mutuelle assurée. Oui, ça. Ceux qui auraient commencé, ça aurait été probablement les Soviétiques, mais la riposte américaine aurait été immédiate et la Russie aurait été détruite. Donc quel était l'intérêt, le sens, en fait, d'entrer dans un tel conflit ? Et pour nous-mêmes, nous avions construit, à l'initiative du général de Gaulle, puis du président Pompidou, notre force de dissuasion. Mais je savais qu'il n'y avait pratiquement aucune éventualité où on l'utiliserait. Parce que si nous tirions sur les Soviétiques, leur armement nucléaire était à peu près 10 fois le nôtre. Ils ripostaient immédiatement et la France était détruite. Donc, où était la signification historique d'un tel conflit ? Néanmoins, si je puis dire, vous aviez quand même la clé, le bouton rouge, comme on dit. Absolument, j'étais suivi comme une ombre par un militaire qui tenait la clé. Mais vous n'y croyiez pas vous-même ? Non, j'avais réfléchi. La probabilité, parce que dans vis-à-vis des grands événements, il faut toujours faire une analyse de probabilité. Sont-ils probables ou non ? J'avais dit au chef militaire français, nous allons faire des manœuvres, l'invasion de l'Europe par l'Union soviétique. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai vu que si cela se produisait, et si l'Amérique n'utilisait pas son armement nucléaire, les Soviétiques arriveraient assez vite dans la région de Francfort, pas très loin de la frontière française, s'arrêteraient probablement une semaine ou deux pour reconstituer leurs forces, et ensuite ils avanceraient vers la frontière française. Et la question était de savoir à ce moment-là, faut-il lancer nos armes nucléaires hein. Et quand on y réfléchissait, la réponse était non. Parce que la riposte soviétique aurait été massive et la France était détruite. Or, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, il faut survivre, il faut qu'un pays survive. Et je n'aurais pas pris la décision de faire détruire la France. Un certain nombre de crises internationales majeures ont émaillé votre septennat. Je pense bien entendu à cette révolution en Iran à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant. Il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques, l'état de siège à Varsovie en 1980. Enfin, quelle est de toutes ces crises celle qui vous a le plus inquiété à titre personnel ? Probablement la situation en Pologne. Parce que d'abord les Polonais sont des amis, ils sont des gens très, très proches de nous. Que l'Union soviétique était déjà intervenue 2 fois, en Hongrie et en Tchécoslovaquie, que donc elle avait l'habitude de ces interventions, que les Polonais, notamment le syndicaliste Lech Walesa, étaient très déterminés, donc il y avait la vraisemblance d'un conflit. Et nous en étions très préoccupés, les Allemands avec nous. Ce qui fait qu'avec Helmut Schmidt, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et nous avons mis en garde Brezhnev. Je suis allé à Varsovie spécialement pour le voir et pour lui dire « Attention, si vous faites une erreur, je vous préviens, la réaction sera fondamentale. » Le couple franco-allemand fonctionnait merveilleusement à l'époque. Votre entente était parfaite avec le chancelier Schmitt ? Oui, elle était parfaite, c'est le mot. Elle était parfaite. Elle avait un caractère très curieux, parce que la politique, vous en parlez souvent, et l'histoire, vous en parlez d'ailleurs excellemment, il y a très peu de bons sentiments. Alors on va chercher... On est dans le réalisme. Montaigne et la Boétie, mais enfin c'est un peu loin. Oui. Mais avec Helmut, c'était une amitié. Développée par l'identité curieuse des fonctions, nous avons été ministre des Finances en même temps. Et j'ai été élu, comme vous le rappeliez tout à l'heure, au mois de mai, le 19 mai. Il a été nommé chancelier 3 jours plus tard. Une coïncidence extraordinaire. Une forme de, oui. Synchronicité, en tout cas. Synchronicité. Et nous avions les mêmes convictions. Il était social-démocrate allemand, c'est-à-dire social-démocrate modéré, réaliste. Et moi, j'étais libéral français, mais ouvert, puisque j'étais pour le libéralisme avancé. Donc, en réalité, ce qui nous séparait était très mince. Et nous avons pu travailler étroitement et bâtir une intimité. Et vous avez des nouvelles du chancelier Helmut Schmidt ? Je le vois régulièrement et je vais à Berlin dans moins d'un mois parce que les Allemands, comme vous savez, célèbrent très bien les anniversaires. Les Français, c'est moins brillant. Je parle des anniversaires politiques. Est-ce que la conversation était aussi ouverte avec les présidents des États-Unis, le président Ford, le président Carter ? Le président Reagan, à la fin de votre mandat. C'est pas tout à fait pareil. Avec le président Ford, elle était excellente. Et nous avions établi un rapport d'intimité et de confiance. Il avait comme secrétaire du ministre des Affaires étrangères, comme secrétaire d'État, Henry Kissinger. Je les ai invités à la Martinique. Et nous sommes mis d'accord sur la politique française, qui à l'époque était la suivante. Nous sommes indépendants. Mais nous sommes vos alliés, et nous sommes des alliés fiables. Donc si vous avez un jour besoin de vos alliés, nous serons là. Par contre, nous ne recevrons pas d'ordre de vous. C'était un système politique que les Américains ont bien accepté, et qui était à la fois l'indépendance et l'alliance. À l'époque, la France n'était plus membre du commandement intégré de l'OTAN, il faut le dire. Alors... Non, de Gaulle était sorti de l'OTAN, et je n'avais pas l'idée d'y rentrer. Parce que je trouvais que la place des États-Unis était tout de même excessive. Je ne vais pas entrer dans ce détail, mais j'avais assisté à la nomination du général en chef de l'OTAN en étant dans le bureau de Kennedy, figurez-vous, c'est un hasard historique, et j'avais vu que les Américains nommaient le commandant de l'OTAN sans s'occuper le moins du monde du point de vue européen. Et devant le président Kennedy... celui qui présentait le dossier avait dit « Oh, vous savez, les Européens font des objections » parce qu'il voulait nommer quelqu'un qui avait été commandant dans la guerre du Vietnam. Les Européens font des objections, que le DVD écoute, ça n'a aucune importance, ils peuvent faire des objections, c'est nous qui décidons. Et ça m'avait mis en tête l'idée que c'était un système qui était tout de même très contrôlé, très dominé par les États-Unis, et donc le général de Gaulle était sorti de l'OTAN, et je n'y suis pas rentré. Au moment de la crise iranienne, il y a une vraie collaboration entre la France et les États-Unis. Vous vous êtes expliqué souvent sur l'affaire de l'ayatollah Khomeini, qui avait été reçu à Naufle, le château, etc. On ne va pas revenir là-dessus, vous avez beaucoup parlé sur le sujet. Il y a une question qui, moi, me taraude. Quelle était votre attitude vis-à-vis du Shah d'Iran lui-même, qui avait quand même été non seulement un allié, mais l'un des principaux alliés de la France ? Eh bien, on ne s'est pas bien conduit vis-à-vis de lui. Heureusement, le problème ne s'est pas posé pour nous, donc nous n'avons pas, me semble-t-il, de reproches à nous faire. Mais les États-Unis se sont mal conduits. Parce que la crise en Iran a été en fait déclenchée par les États-Unis. La crise était latente, le pays était à moitié soulevé, mais enfin, il n'était qu'à moitié soulevé. Et le Shah était soutenu par les États-Unis, en particulier par l'armée américaine. Et il a décidé, à la fin de 1978, de retirer ce soutien. À partir de ce moment-là, le régime du Shah n'avait plus de solidité, et le Shah est parti. Et au lieu de le traiter dignement, il a été une sorte d'exilé errant. Mais pourquoi n'est-il pas venu en France, si je puis dire ? Il n'a pas demandé. Oui. Non, je ne veux pas vous répondre. Par contre, je ne suis pas allé à ses obsèques, qui ont eu lieu, comme vous savez, en Égypte. Et pour moi, c'était un problème de conscience. Parce que humainement, j'aurais voulu y aller. Et du point de vue national français, ça aurait été, je crois, très mal compris. Alors j'ai beaucoup hésité. Finalement, je n'y suis pas allé. Vous avez été l'instigateur de ce qu'on a appelé le G6, c'est-à-dire cette espèce de grande réunion internationale des chefs des principaux États et gouvernements, en tout cas des pays économiquement les plus forts. Le premier a eu lieu à Rambouillet, c'est vous qui en avez eu l'idée, initialement. Oui, c'était une idée qui était la suivante. Les grands chefs d'État, enfin chefs des grands États, ne se parlent pas beaucoup. Et quand ils se parlent, c'est précédé de travaux bureaucratiques, diplomatiques, ainsi de suite, qui compliquent en général les sujets, les discussions. Donc à un moment donné, vous ne savez pas ce que pensent les autres chefs d'État. Nous avions deux problèmes à cette époque. Il y avait le problème de la monnaie, puisque le dollar était devenu flottant. Et nous avions le problème des échanges. Est-ce qu'il faut être protectionniste? Est-ce qu'il faut être pour le libre-échange? Et moi, je voulais que chacun dise ce qu'il avait en tête. Pour le dire, il faut se mettre ensemble, ne pas avoir trop de monde et parler librement. Alors, on s'est réunis à Rambouillet, dans la salle à manger, que pour une pièce énorme, une salle à manger, où nous étions en tout une quinzaine de personnes, parce qu'il y avait les 6 chefs d'État, leur ministre des Affaires étrangères et, quand ils le souhaitaient, leur ministre des Finances. Et c'était tout. J'ai dit les experts, pas d'experts, les fonctionnaires, pas de fonctionnaires. Okay. Pas une grand-messe, simplement un entretien personnel. Personnel, pour dire ce qu'on avait dans la tête. Et ça a été intéressant, parce qu'on a vu qu'au fond, on était d'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas l'esquisse d'un gouvernement mondial derrière cette idée? Non, parce que c'était uniquement, il faut dire, le grand Occident, puisque c'était les États-Unis, l'Europe plus le Japon. Alors, la dernière question que je voulais vous poser sur ces affaires internationales, et ensuite nous allons recevoir Guillaume Perrault pour évoquer le septennat vu par les Français, en quelque sorte, parce que là nous sommes montés dans des altitudes assez stratosphériques. La dernière question qui, en quelque sorte, concernait autant les Français que les dirigeants, c'est la question de l'Europe. À cette époque, la construction européenne était un grand et magnifique projet qui faisait rêver. Les choses ont bien changé depuis. Elles ont... Alors, dans votre phrase, il y a deux choses. Elle faisait rêver, ça a bien changé depuis. Déjà, elle faisait rêver. Alors, elle faisait rêver. Et on était encore dans ce que j'appelle la ligne droite de l'Europe, c'est-à-dire le sillage de la grande déclaration de Robert Schuman et de Jean Monnet, en disant qu'il faut bâtir... une institution européenne, et même Schuman disait la Fédération des États-Unis d'Europe. Et on était encore dans cette direction. Et nous avons avancé beaucoup, puisqu'on a créé le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Avant, il y avait simplement des sommaires, ils se réunissaient tous les 2 ans, 18 mois. Là, on en a fait une institution. On a prévu l'élection du Parlement européen au suffrage universel, comme ce qui va avoir lieu dans quelques mois en France. Et d'ailleurs, cette décision était très difficile parce que j'avais consulté le Conseil constitutionnel français pour savoir si on pouvait le faire, et il n'a approuvé qu'à une voix. Donc c'était un cheminement quand même difficile. Et il y avait enfin la monnaie, parce que les monnaies étaient dans un désordre inimaginable qu'on a oublié. Parce que les gens qui disent à l'heure actuelle qu'il faudrait supprimer l'euro, ils ne se souviennent pas de ce qui se passait avant. La France dévaluait de façon perpétuelle. Il était impossible d'avoir un grand marché, c'est absolument impossible, puisque si les cours de change changent tous les 6 mois, tous les 18 mois, c'est impossible. Donc il fallait bâtir l'unité monétaire de l'Europe. Et on a fait tout ça entre 1974 et 1980. Le Conseil européen en 1974... l'élection en 1979 Et le Parlement et la monnaie en 1978. Dans un instant, si vous le voulez bien, nous allons donc revoir le même film, mais vu d'en bas. Au cœur de l'histoire continue jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand nous raconte les années Giscard cet après-midi avec ses invités. Nous sommes donc toujours avec le président Giscard d'Estaing pour évoquer ce septennat 1974-1981. Cela fait 40 ans déjà, 40 ans que la France a changé d'une certaine manière. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour Franck. Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro, vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes, j'allais dire né, pas tout à fait né, mais enfin vous avez passé votre enfance dans cette France de Giscard. Vous me racontiez ça juste avant l'émission. Hein. Absolument, j'ai même eu la chance de faire ma gymnastique à l'école communale sous le portrait officiel de Valéry Giscard d'Estaing qui encourageait ou semblait encourager de son regard bienveillant toute la classe maternelle. Vous avez l'impression que ça vous donnait du cœur à l'ouvrage. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse peut-être avec vous, c'est de voir comment les Français ont perçu ce mandat et ces années, et notamment ces réformes. J'ai parlé de la réforme de la majorité, par exemple. À 18 ans, ça a été quelque chose d'important, ça. Oui, il y a eu d'abord un intense moment de mobilisation politique, car 87% des Français ont participé à l'élection présidentielle, sont allés voter au deuxième tour. Donc une intense mobilisation. C'est le record de toutes les présidentielles de la Ve République. On n'a jamais retrouvé un tel niveau de mobilisation, une abstention si faible, à aucune des présidentielles qui a suivi 1974. C'est ma première remarque. Ensuite, les réformes de société, Valéry Giscard d'Estaing les engage aussitôt après son élection. La majorité est abaissée de 21 ans à 18 ans. C'est un mouvement qui avait eu lieu aux États-Unis avant, en Grande-Bretagne également, qui donc est engagé en 1974 en France. La loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse donne lieu à des débats très houleux, passionnés. Oui, bien sûr, on se rappelle évidemment cette image toujours montrée de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale, un peu découragée devant la violence des oppositions. Absolument. Une partie de la droite vote pour la loi Veil, ce qui va devenir la loi Veil, une partie de la droite vote contre. Et finalement, le renfort des voix de la gauche permet l'adoption de cette réforme qui promulguée début 1975. Par ailleurs, en 1975, le divorce par consentement mutuel est institué. Ça marche beaucoup, ça marque les esprits. François Truffaut, il fait allusion dans un film et il dit, mais finalement, il fait dire à ses personnages, mais alors, vous divorcez, vous êtes d'accord pour divorcer? C'est le divorce giscardien. Un journaliste dit ça à un personnage de Truffaut dans un de ses films. Mais ça fait penser un peu à ce que nous vivons avec toutes ces réformes dites sociétales. En effet, les spécialistes font souvent des parallèles entre les réformes de société de Valéry Giscard d'Estaing et les réformes actuel, soit le comportement, le style plus moderne de certains présidents, comme Nicolas Sarkozy, on a souvent fait la comparaison. Justement, ce style moderne, il va donner lieu à un certain nombre d'opérations qui ont été diversement commentées. Je pense évidemment, et on va poser la question au président dans un instant, mais à ses visites chez les Français, quand il allait dîner chez les Français. Voilà, ce sont les fameux dîners chez les Français, puisque des familles conviaient, il y a beaucoup de gens qui écrivent au président de la République de tout temps, et Valéry Giscard d'Estaing acceptait certaines des invitations à dîner dans des familles françaises et c'était pour lui l'occasion de conversations certes un peu détendues mais aussi de donner une image de lui d'un président plus accessible et ça a été diversement ressenti par la population. Certains y voyaient un gage de modernité, d'autres trouvaient ça un peu artificiel. Il y avait quand même une opposition très violente. On était encore dans un débat idéologique très fort dans Absolument. Ces années 70, hein, il faut dire. Oui, car François Mitterrand avait conclu avec le Parti communiste dirigé par Georges Marchais, le programme commun, qui avait donc un clivage idéologique très dur. Ça explique d'ailleurs que le taux d'abstention était si faible à la présidentielle de 1974, car tout le monde avait un avis tranché pour ou contre. Et puis alors, on était quasiment toujours en campagne électorale, puisqu'il y a eu les cantonales en 1976, les municipales en 1977, oui. Les fameuses législatives de 1978, les européennes en 1979, on votait tout le temps. Et d'ailleurs, puisqu'on va bientôt voter aux municipales, je voudrais rappeler qu'en 1977, c'est la première fois que les Parisiens peuvent élire leur maire. Car jusqu'en 77, les Parisiens n'avaient pas de maire. C'était une spécificité du statut de la capitale liée à l'histoire. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a souhaité que le régime de Paris se rapproche du droit commun des communes françaises. Alors pour commencer cette émission, le président Giscard d'Estaing nous a dit qu'il avait voulu moderniser la France. D'après vous, est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce qu'on a vu la France changer à cette époque et est-ce qu'elle s'est modernisée? Il y a eu beaucoup de changements très significatifs et positifs. Les grands équipements publics se sont multipliés. Le RER, par exemple, est inauguré. Qui avait été lancé avant, par Georges Pompidou, mais il est inauguré en 77. En revanche, le TGV sera inauguré par François Mitterrand, voilà. Mais il a été lancé par... C'est ça. La ligne Paris-Lyon du TGV est inaugurée en 80, immédiatement après l'alternance. Je parlais de la télévision couleur tout à l'heure. Il y a toutes les chaînes de télévision qui commencent à naître. Alors, le téléphone. TF1 naît en 75 et passe à la couleur. Il y a Antenne 2 et FR3. Ce sont les trois seules chaîne de télévision. J'ajoute qu'il y a toujours un monopole public sur les ondes et sur la télévision que Valéry Giscard d'Estaing défendra jusqu'au bout, ce qui va provoquer des polémiques à la fin de son septennat, puisqu'il y aura une guérilla juridique autour des radios libres, qui seraient à l'époque des radios pirates. Alors à l'instant, à propos des convergences de vues avec Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing disait qu'il était un libéral français, il parlait de social-démocratie pour l'Allemagne. Est-ce que ce n'était pas un peu une social-démocratie à la française qui était en train de s'installer à ce moment-là? C'est ce que pensait une partie de la propre majorité de Valéry Giscard d'Estaing. Et ce qui frappe avec le recul, c'est qu'en effet, il y a eu une politique sociale très protectrice des bas salaires. Le SMIC a énormément augmenté, beaucoup plus que la moyenne des rémunérations à cette époque. L'écart des revenus a donc diminué. Et les prestations chômage. Les prestations chômage, puisque un salarié licencié pour raison économique en 75, il bénéficie de 90% de son salaire brut pendant un an. L'inspection du travail doit autoriser les licenciements pour motifs économiques à l'époque. Mais malheureusement, ça n'empêche pas le chômage de progresser fortement et c'est naturellement le point noir du septennat. Ce qui progresse aussi, c'est l'immigration. Alors, en fait, il y a une décision symbolique qui, pas seulement symbolique, qui va susciter ensuite beaucoup de controverses, c'est la consécration du droit au regroupement familial par un décret du gouvernement de Jacques Chirac en 1976. Alors, Monsieur le Président, on évoque donc tout ce grand mouvement, parce que ce sont autant de chantiers. Est-ce qu'il y a des choses que vous regretteriez aujourd'hui, que vous ne feriez pas de la même façon? Je pense notamment à la gestion du chômage et de son indemnisation, par exemple. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, sur le chômage, si vous voulez, on a amélioré la protection des chômeurs, sensiblement, comme Monsieur Perrault vient de le rappeler. C'était une idée de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber était un journaliste de grand talent de l'époque qui rêvait d'être près du pouvoir politique et que j'avais nommé au gouvernement qui a tenu les propos imprudents et qui est parti, mais qui a continué à inspirer un certain nombre de réformes et on a installé et prolongé la durée de l'indemnisation du chômage. Donc, de ce côté-là, les chômeurs ont été beaucoup mieux protégés qu'ils n'étaient avant, et quand même, leur nombre n'a jamais atteint la moitié du nombre actuel. Oui. Je me rappelle que lorsqu'on est arrivé à 1 million de chômeurs, ça c'est un souvenir d'enfance pour le coup, mais ça avait fait quasiment un scandale. On disait, oh là là, les Français ne supporteront pas qu'il y ait 1 million de chômeurs. Mais aujourd'hui, ça fait rêver. Mais c'était après mon septennat. Oui, c'était après. Ça, oui. Après. Non, non, on a toujours été au-dessous d'un million de chômeurs, et on est actuellement, comme vous le savez, au-dessus de 3. Alors, là, on regrettait, la majorité à 18 ans, vous l'avez dit tout à fait, j'avais regardé ce qui se passait dans le monde. J'avais vu qu'aux États-Unis c'était 18 ans, Angleterre 18 ans, Allemagne 18 ans. Ben, je me suis dit, les jeunes Français, ils sont aussi capables que les autres de réfléchir. Alors on m'a dit, ils ne voteront pas pour vous. Ça, c'est possible, mais les réformes n'ont pas pour objet de faire que les gens votent pour vous. Elles ont pour objet de traiter des problèmes de fond. La réforme a été faite très vite, puisqu'elle était dans les 2 premiers mois de mon élection, et elle a été ensuite acceptée profondément par la société française. L'histoire de l'interruption volontaire de grossesse a été plus difficile parce qu'elle heurtait le sentiment de la partie ou d'une partie catholique de la population française, puisqu'il y avait un dogme qui était hostile à l'avortement. Mais moi, la position que j'avais, c'est que j'étais président de l'État. Je n'étais pas président d'une partie des Français. La France n'était pas un État ayant un statut religieux. J'étais président d'une société civile. Et il apparaissait que les jeunes femmes françaises, notamment celles des classes les plus modestes, étaient placées dans une position insupportable, puisque si elles pratiquaient l'avortement, elles étaient condamnées à 6 mois de prison ferme. Alors d'une part, les tribunaux ne voulaient pas prononcer la peine, et d'autre part, c'était une peine indigne de prendre des pauvres jeunes femmes, généralement de situation difficile, d'envoyer en prison pour 6 mois. C'était déraisonnable. Simplement, les gens n'ont pas compris que c'était un transfert de responsabilité, c'est-à-dire que la décision passait de la législation au droit privé, mais ce n'était pas un encouragement. Et notamment ceux qui avaient une conviction contre l'avortement gardaient leur conviction et se restaient conformes. Il y a la notion d'état de détresse dans la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement en 1974. C'est ça. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, alors maintenant les choses sont assez confuses, mais personne n'y avait touché. Donc pendant 30 ans, si vous voulez, cette réforme qui avait été contestée, elle est restée intacte et elle a été appliquée correctement par la France. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler aux différents papes, parce que j'ai rendu visite aux deux papes qui étaient en fonction, même trois papes, pendant ma Paul présidence. Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Voilà. Et je leur ai expliqué que j'étais président d'une société civile, que dans cette société, des gens avaient des croyances, que moi-même, j'étais un des seuls présidents catholiques pratiquants français depuis assez longtemps. Il y avait eu le général de Gaulle et moi-même. Hein. Mais que ça ne me permettait pas d'imposer à la partie non catholique de la population des règles, qui étaient des règles tout de même très oppressives. Et donc la réforme a été acceptée pour montrer qu'il fallait qu'elle soit soutenue par la population. J'avais dit, c'est juste pour 5 ans. Donc on l'a fait en 74, début 75, comme M. Perrault l'a dit. Et on a recommencé donc, le débat 5 ans plus tard. On a revoté, et ça a été revoté à l'identique. À l'identique. À l'identique. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Guillaume Perrault, une forme de nostalgie aujourd'hui des années Giscard ? Je ne parle pas seulement de l'île aux enfants, hein, mais... Oui, l'île aux enfants, pour les cadras de notre génération, cher Franck, il y a une nostalgie de Monsieur Dusnob et de l'île aux enfants, ça c'est certain. Mais plus sérieusement, la vie était moins difficile dans les années 70. Le coût de la vie n'avait rien à voir. On pouvait se loger plus facilement. La part du budget accordée à l'alimentation, elle était moins élevée. Et donc, oui, de ce point de vue-là, il est évident que je crois que ça laisse un souvenir heureux à beaucoup de Français. Et nous retrouvons Franck Ferrand et ses invités, Valéry Giscard d'Estaing, troisième président de la Ve République, et Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, maître de conférences à Sciences Po, auteur du livre « Les présidents de la République pour les nuls » aux éditions First. C'est un numéro spécial sur les années Giscard. Je vous voyais à l'instant, Valéry Giscard d'Estaing, boire les paroles de Guillaume Perrault lorsqu'il parlait de cette nostalgie française des années 70. Ça me faisait plaisir qu'un historien, puisque c'est un historien, rappelle quelque chose que malheureusement beaucoup de Français ne savent pas à l'heure actuelle, c'est que la popularité du pouvoir à cette époque était deux fois plus élevée que la popularité du pouvoir actuel. Les médias qui, naturellement, entretenaient la lutte et la compétition politique, ce qui est normal, il faut accepter d'ailleurs, aimaient bien dire que j'étais éloigné des Français. C'est une blague. Si vous prenez sous les yeux les cotes de popularité, par exemple, pour le début de l'année 80, c'est-à-dire la fin de mon mandat, en janvier, 60%, février, avril, 61%. Ça fait rêver. C'était les cotes, oui. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait une compréhension réciproque, que les gens comprenaient. Et jusqu'à février 81, cette chose qu'on célébrera plus tard, qui est la fin du mandat, oui. Toujours été loin devant mon concurrent, de plusieurs points, en fait. Et j'avais, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'ailleurs accepté ou pris des initiatives pour marquer cette proximité avec l'opinion publique. Car les repas chez les Français, mais c'était très sympathique, c'était pas du tout polémique, ça n'était pas fait du tout pour la publicité, parce qu'on ne les annonçait pas à l'avance, pour éviter que les personnes soient l'objet de pression médiatique. Donc quand vous regardez le soutien un peu populaire de cette époque, il était très supérieur à ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors j'aurais bien aimé parler de la campagne de 1981, mais ce sera pour une autre fois, puisque nous n'avons visiblement plus le temps. Vous nous avez déjà parlé de choses passionnantes, hein. Vous nous avez révélé que Simone Veil était votre dauphine, si je puis dire. Vous nous avez parlé à la fin de guerre atomique, des obsèques du Shah d'Iran, du rôle de JJSS, etc. Alors chaque président de la Ve République a eu son style. Le général de Gaulle était altier, dit-on, le Georges Pompidou incisif, François Mitterrand insinuant, Jacques Chirac chaleureux, Nicolas Sarkozy familier. Je ne qualifierai pas le chef de l'État en exercice, mais vous, monsieur le Président, quelle épithète vous paraîtrait vous définir le mieux ? Vos ennemis vous disaient hautain et tous ceux qui étaient favorables à votre politique vous trouvaient compétent. Et quel est, selon vous, le bon adjectif ? Ils me trouvaient hautain parce que je mesurais 1m90. Je n'y pouvais à rien. Même à porter des talons plats, je ne pouvais pas diminuer ma taille. Mais tout ça, c'était des arguments polémiques, en fait. Jusqu'à la fin, alors la fin, on en parlera un jour, parce que ça a un intérêt. Mais il faudra en parler. Les Français étaient prêts à me réélire, en fait, et assez largement. Et la raison, à mon avis, c'est qu'ils pensaient que je faisais le métier de président, au fond. Ils ont une idée du métier. Moi-même, j'avais été au prêtre de Gaulle, j'avais observé, j'ai vu comment il avait fait les choses. Et il s'était dit, un, c'est le plus jeune président de la République. Et deuxièmement, il fait le métier. Ce qui fait que l'adjectif, vous cherchez un adjectif, je crois, mais enfin, il ne faut pas en abuser, parce qu'il ne faut pas faire son propre éloge. Mais enfin, c'était en effet la compétence dans l'exercice de la fonction. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos souvenirs et surtout vos points de vue sur ce qui a été un moment d'histoire que vous avez écrit vous-même. Merci beaucoup.